Chapitre 20. Des éléments grammaticaux du langage, des mots, de leurs parties composantes et de leurs espèces. Dans ce qui concerne les mots, on distingue l'élément, la syllabe, la conjonction, l'article, le nom, le verbe, le cas et enfin l'oraison. L'élément est un son indivisible qui peut entrer dans la composition d'un mot, car tout son indivisible n'est pas un élément. Les cris des animaux sont des sons indivisibles, et ce ne sont point des éléments. Les éléments sont de trois espèces, sonores, demi-sonores, non-sonores. Les sonores ont par eux-mêmes le son, sans avoir besoin d'articulation, comme A, O. Les demi-sonores ont le son joint à l'articulation, comme S, R. Les non-sonores ont par eux-mêmes l'articulation sans le son, et non le son que par un des éléments sonores, comme G, D. Les différences de ces éléments, dans leurs espèces, viennent des configurations de la bouche, des endroits où ils se forment, de la douceur ou de la force de l'aspiration, de la longueur ou brièveté de leur prononciation, de l'accent grave ou aigu ou moyen, comme on peut le voir dans les arts métriques. La syllabe est un son non significatif, composé d'une voyelle et d'une muette. Gr sans A n'est point une syllabe. Avec A, c'en est une, gra. Les détails sur cette partie sont encore de l'art métrique. La conjonction est un mot non significatif qui ne donne ni note à un mot la signification qu'il a et qui peut être composé de plusieurs sons. Elle se place ou au milieu ou aux extrémités, à moins que par elle-même elle ne soit faite pour être au commencement, comme « men » et « toy » « des ». Ou si l'on veut, c'est un mot non significatif, qui de plusieurs mots significatifs ne fait qu'un sens. L'article est un mot non significatif, qui marque le commencement ou la fin, ou la distinction dans le discours, comme « tophémi » le dire, topéri, les environs, etc. Ou encore, un mot non significatif qui peut être composé de plusieurs sons qui n'ôtent ni ne changent rien à la signification des mots significatifs et qui se placent tantôt aux extrémités, tantôt au milieu. Le nom est un mot significatif qui ne marque point les temps et dont les parties séparées ne signifient rien. Car dans les noms doubles, on ne prend point les parties dans leur sens particulier. Dans Théodoron, Doron ne signifie rien. Le verbe est un mot significatif qui marque les temps, et dont les parties séparées ne signifient pas plus que celles du nom. Homme, blanc, ne marque point le temps. Il marche, il a marché, signifie l'un le présent, l'autre le passé. Le cas appartient au nom et au verbe. Il marque les rapports de, à, etc. Les nombres, un ou plusieurs, l'homme ou les hommes, ou les manières de dire, l'interrogation, le commandement, etc. Il est parti, partez, sont des cas du verbe. Le discours est une suite de sons significatifs, dont quelque partie signifie par elle-même quelque chose. Car tout discours n'est pas composé de noms et de verbes, comme la définition de l'homme. Le discours peut être sans verbe, mais chacune de ses parties a toujours sa signification particulière. Dans Cléon marche, Cléon a une signification. Le discours est un de deux manières. Lorsqu'il ne signifie qu'une seule chose, comme la définition de l'homme, ou qu'il lie entre eux une suite de mots, comme l'Iliade.